tiens, prends mon pain mais là, hey, tu ne tiens qu'à tresser et me nuire. Je ressens que tu tentes à calme, à baisser et vouloir me détruire. Je suis fort mais tu prouves dans mes peines, ce qui touche chaque moment dans la haine. Que je voudrais que ça s'arrête, je te rappelle que je ne suis qu'un homme qui se perd, qui se tait, se détourne du chemin. Tu sais que j'ai besoin que tout aille, que tout soit plus sain. Que tout soit plus simple, que tout soit plus doux, que tout soit plus humble, que l'on soit plus souple, que tout soit plus simple, que tout soit plus doux, que tout soit plus humble, que l'on soit plus souple. Je retiens un coupon de réponse qui amène nous tous à confondre. Ce qui sans cesse nous coule, ce qui sans cesse nous trouble, ce qui sans cesse nous pèse sur chacun de nos mots. On oublie que l'on puise dans le faux pour punir, effrayer dans le dos. Que l'on tasse ce qui se passe dans des choses. On se cherche pour avoir le dernier mot. On se hait, se saigne et l'oublie que l'on s'aime. On sait que tout soit plus simple, que tout soit plus doux, que tout soit plus humble, que l'on soit plus souple, que tout soit plus simple, que tout soit plus doux, que tout soit plus humble, que l'on soit plus souple, que tout soit plus simple, que tout soit plus doux, que tout soit plus humble, que l'on soit plus souple, que tout soit plus simple, que tout soit plus doux, que tout soit plus humble, que l'on soit plus souple.